Tour de ta vie, je m'ennuie et je retourne à la mienne. On n'a pas la même vie, mes cauchemars ne deviendront pas tes chaînes. J'ai quitté ma chaise dans le hall pour monter chier sur le trône. J'ai percé si vite, y'en rien que j'en ai oublié tes chromes. Milliers d'euros, plus de peine de cœur. Cœur à zéro, j't'oublie sans rancœur. Fonce des dans le noir pour oublier que ce monde est moche. Bon, j'aime pas l'argent, j'aime mes proches, donc je remplis mes poches. Haute couture, petit frère, se serre dans l'armoire. Un petit regard, j'caresse ton âme, moi. Tard la nuit, je monte mes blessures à la lune car j'ai mal à la terre. Ce monde de salle m'aveugle, je verrai pas l'Oréal au-dessus de ta tête. Ce sera pas pour la vie. Les hommes fanés, parce qu'il est fané. Je lance des témoins, chatta bella bella. Chaîne de gaspan pour Athéna, Athéna. Je veux du L, je veux du V, du G, hella. Mes tartines et mon Nutella, Tella. Pas qu'il est lourd, mais qu'il est lourd. Ah, oula, oula, gros. Soleil sur la tour, on se bat faire un tour. L'hôtel c'est trop, trop. Je t'en fais la scène. Wa, wa, wa, ya, le S dans la veine. Faut que la flemme, sort ton pont M. Yankee M, au bout tu wa, wa, wa, ça. J'tire malin comme Mani, Mani. On perd du temps, de la sueur pour la monnaie, monnaie. Comme dit le T, faut leur donner, donner. Chercheur d'oseille, j'suis dans ma pull. Ouais, le shit pull, le monde ou rien. Lèche-nous pas, ah, ah, ah, putain. Non, ne nous lèche pas, oh, oh, oh, putain. On se ressent pas, se ressemblera jamais, sale putain. Dans le noir, condamné, je rêve sale putain. Ce sera pas pour la vie.